les années 60 revivent et rechantent comme au beau temps des Beatles. Quand on roulait sans lumière sur mon scooter, c'était l'âge tendre, on riait ensemble aux terrasses des cafés. Mais souviens-toi, je mon adolescente des années 60, tous les jours on se voyait, mais dès qu'on s'était quitté, on s'écrivait. Première cigarette, première amourette, on dansait sur Yesterday. J'aimais ta voix des heures, serrer fort sur mon cœur. Quand on dansait sur Yesterday, j'avais 15 ans et je rêvais. Qu'est-ce que j'ai pu aimer? J'ai pas changé. Bien, déjà pris au téléphone, vous voyez, on passe son temps comme on peut, n'est-ce pas? On va écouter maintenant Dalida, qui nous interprète Monday, Tuesday, et Laissez-moi danser, dans quelques petits instants, si vous le voulez bien. Et je sais que vous le voulez bien. Elle vient Dalida ou vient pas? Que se passe-t-il? Un problème? Bon, ben, on va changer de programme, hein, si Dalida vient pour chanter. Ah, ben, si, voilà. Elle arrive. Elle est en train de s'habiller. Comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Laissez-moi. vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'ombre bleue. Continue avec Frédéric François. Tu m'as laissé. Je me réveille, les larmes aux yeux, le cœur en sang. Étranger dans cette chambre que notre amour a déserté. Autour de moi, des bouts de soie et de tendresse, comme ce foulard que je caresse, des mots de toi éparpillés. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé avec ma vie d'avant et ta peau qui me colle. Tu m'as laissé les pages d'un roman qui chaque nuit s'envole. Tu m'as laissé. J'ai rien à faire, j'ai rendez-vous avec personne. Je regarde dormir le téléphone. Je n'ouvre même pas le courrier. À quoi ça sert de vouloir jouer sa dernière carte? Tu as refermé le théâtre. Le petit clown est fatigué. Tu m'as laissé comme on est sur le larme tombé sur ses genoux. Tu m'as laissé. Ta place dans mes bras. Tu m'as laissé comme un enfant dans une cour. Après Frédéric François, on va écouter un petit peu d'accordéon avec la Galinette. La Galinette et Marc Michel. Et allez, bonne journée. Michel et son orchestre. Et on continue maintenant, ce sera Carole Vigny, L'Étoile du Nord. écoute maintenant Marc Michèze, toujours le chanteur, cette fois-ci, c'est plus l'orchestre, et c'est Ardéchois, mon ami. Ardéchois, mon ami, que l'on dit cœur fidèle, retourne-toi un peu, où est-il ton pays? Ce petit coin de terre qui un jour t'a vu naître, là où tes vieux parents t'ont fait aimer la vie. Ce n'était pas pour l'aventure que tu quittas ton beau pays, mais pour ton cœur une blessure. Mais il faut bien gagner sa vie. Les années passent toutes semblables, ce jour pareil au lendemain. Situation presque enviable, quand côté travail tout va bien. Ardéchois, mon ami, que l'on dit cœur fidèle, retourne-toi un peu, où est-il ton pays? Ce petit coin de terre qui un jour t'a vu naître, là où tes vieux parents t'ont fait aimer la vie. Là où tu es, oui, rien ne manque, grand magasin, sortie ciné, quelquefois même une bonne planque et un appartement douillet. Oui, mais voilà, souvent tu penses, où sont-ils donc ces jolis monts, les jolis prés de ton enfance, le doux parfum des fenaisons. Ardéchois, mon ami, que l'on dit cœur fidèle, retourne-toi un peu, où est-il ton pays? Ce petit coin de terre qui un jour t'a vu naître, là où tes vieux parents t'ont fait aimer la vie. Tu es si loin de ton enfance, et ses souvenirs confondus, ces chers moments toujours vivaces, sont-ils à jamais révolus? Car le bonheur est une chose bien difficile à définir. Si sur le seul confort repose, alors ton pays va mourir. Ardéchois, mon ami, que l'on dit cœur fidèle, retourne-toi un peu, où est-il ton pays? Ce petit coin de terre qui un jour t'a vu naître, là où tes vieux parents t'ont fait aimer la vie. Et on continue ce cocktail coloré avec les chansons de Dalida, Le jour où la pluie viendra, de Pierre Delanoë. Un jour où la pluie viendra, nous serons. triste, triste terre rouge qui craque, craque à l'infini les branches nues, que rien ne bouge, se gorgeront de pluie, de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et tu m'en roules, rouleras de vagues et de la pluie viendra, nous serons toi et moi. On va continuer, les 14h33, pardon. On est ensemble jusqu'à 15h. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Et on écoute maintenant, après le soleil, ben oui, d'ailleurs, il y a du soleil en ce moment, sur Florine-Aubray, Gianni Franco, la chanson du paysan. Le soleil est au rendez-vous et la campagne sourit. Je marche en chantant car je pars retrouver la plus jolie. C'est la plus belle des roses, mon cœur en est tout séduit. Ça me fait quelque chose quand elle me dit qu'elle m'a choisi. Oh mon amour, serre-moi bien dans tes bras, oublie tout et promenons-nous dans les bois. Elle n'est pas la fille d'un roi, mais c'est ma princesse à moi. Ses cheveux dans le vent, elle est aussi belle qu'une grande demoiselle. Je ne suis qu'un paysan, mais je suis amoureux de la plus belle, de la plus douce de toutes les filles. Elle est ma paysanne. Elle m'a fait le feu de me donner son cœur, de me donner son corps pour toute la vie. Je n'ai pas grand chose à t'offrir, je n'ai qu'une maisonnette. Mais si tu m'as choisi, tu m'aimeras aussi pour toute la vie. Notre vie sera un rêve, un joli conte de fées. Tu seras mon étoile et je serai ton prince pour l'éternité. Oh mon amour, serre-moi bien dans tes bras. Et promenons-nous dans les bois. Elle n'est pas la fille d'un roi, mais c'est ma princesse à moi. Ses cheveux dans le vent, elle est aussi belle qu'une grande demoiselle. Je ne suis qu'un paysan, mais je suis amoureux de la plus belle, de la plus douce de toutes les filles. Elle est ma paysanne, elle m'a fait le vœu de me donner son cœur, de me donner son corps pour toute la vie, toute la vie, toute une vie, toute la vie. On retrouve Dalida dans une chanson très connue, Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai noches, mi amor. Chérie de Borrego, pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux andalous. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, fedele borrego. Pense à moi quand tu t'endors, toujours. Pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Eh bien, après Dalida, on écoute Tony Bear. Il nous interprète Seul ce soir. Avec mes rêves, je suis seul ce soir, sans mon amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise. Mon cœur lourd, je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour. Je viens de faire fermer ma fenêtre. Le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre il pénètre. Notre chambre au mal passé. Je suis seul ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir sans ton amour. Tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour. Carole Rubini, Vigny à l'accordéon. L'amour est un oiseau. Thank you. maintenant l'orchestre de Noël Chiboust, incroyablement. On l'écoute pas un combat incroyablement, mais on écoute le morceau qui s'appelle Incroyablement. Chiboust a pris des vacances, certainement. On va écouter le groupe Les Prêtres, rappelez-vous, je ne sais pas s'ils existent toujours, et ça s'intitule Puisque tu pars. Dans ton exil, c'est... Eh bien, maintenant, on va écouter une autre chanson chantée par Jacques Verrières. Jacques Verrières, oui, je dis bien Jacques Verrières. Et ça s'intitule Voyage en Espagne. Sa robe noire et or, son petit corps nerveux semble frémir encore, loin des rythmes fiévreux. Moi qui l'avais suivi, tout rempli d'espérance, moi qui l'avais suivi, je gardais le silence, épuisé par la danse. Elle s'était endormie. Un ciel jaune et orange, des couleurs inédites, une atmosphère étrange, un cœur qui bat trop vite, oh, mordre jusqu'au sang, mordre sa touche chaude, et posséder vraiment cette gosse noiraude. Là, pendant qu'elle dort, dans sa robe noire et or, un baiser dans le cou, la fille se réveillait d'un bond, elle fut debout. Je me sentis giflé, puis griffé, puis mordu, une grêle de coups, et comme une furie, la petite disparut, me laissant dans la nuit sa mantille, rien de plus. Et là-bas les guitares, castagnettes et chansons venaient crever le soir à grands coups de passion. Et on va écouter maintenant une autre chanson interprétée par Jacques Mario. Moi, je passe mes vacances en France. Je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien. Jusqu'ici, nous avons la chance d'avoir de vie, joli petit coin. On a la baie de Saint-Malo, la Corse, l'Empereur et Ajaccio. On a les châteaux de la Loire, Dijon et du bon vin à boire. Moi je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien. Puisqu'ici nous avons la chance d'avoir le si joli petit coin. Les petites auberges et la pétanque, la canebière et les calanques, le Tour de France et le tiercé, la politique et la télé. Moi je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien. Puisqu'ici nous avons la chance d'avoir le si joli petit coin. On a l'Alsace et la Lorraine, là-bas c'est la choucroute d'Irène. Il y a le Nord, capitale Lille, et puis le pont de Tancarville. Moi je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien. Puisqu'ici nous avons la chance d'avoir le si joli petit coin. On a le jardin du Luxembourg, la rue Saint-Denis et puis le faubourg. On a la marne et les guinguettes, la France mon vieux, c'est vraiment chouette. Moi je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien. Puisqu'ici nous avons la chance d'avoir de si jolis petits coins. Les étrangers viennent chez nous, vu qu'on peut pas aller chez eux. Toutes nos devises et tous nos sous resteront là, c'est merveilleux. Moi je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien, puisque si nous avons la chance d'avoir une si jolie Tijuana. L'amour et moi tous les étés, on s'en va tous de visiter ce beau pays où ce qu'on est né et qu'on n'a pas fini d'aimer. Moi je passe mes vacances en France, c'est mon pays, je l'aime bien, puisque si nous avons la chance d'avoir un si joli petit coin. Moi je passe mes vacances en France. C'était Olé Pepito, c'est le cas de le dire, El Pipo par Serge Loa. On va faire un petit coucou à David Cory, trompettiste, accordéoniste, qui nous a quittés le 11 janvier dernier. Malheureusement, je ne connais pas son âge, je vous trouverai tout à l'heure.

disent les médecins. Soulage les misères comme buvons du vin. Prenons pour infirmière la fille du châtelain. Gaïenne, salut, ton corps chante tous les matins. Salut, Gaïenne, salut, pour mémoire, tu n'oublies pas l'image de ton si cher soldat. L'on va lire et j'en dis, Gaïenne, quoi. Chantons, jeux et moissons, enchaîneront cette chanson. Des horizons pastels rendent plus féerique des chants des musiciens. L'orgue dans nos écliques, chorale et orphéon, en train de faire un clic, un air d'accordéon. Salut, Gaïenne, salut, ton corps chante tous les matins. Salut, Gaïenne, salut, au mémoire, tu n'oublies pas l'image de ton si cher soldat. L'on va lire les grands pigaïacois. Vendons, jeux et moissons, enchaîneront cette chanson. On parlait de David Corry tout à l'heure, qui est décédé à l'âge de 54 ans. Il y a une autre grande chanteuse, Dany Dauberson, qui elle a disparu à l'âge de 50 ans. Elle nous interprète Un jour tu verras. Tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cet air sera pour nous le plus doux, le plus joli. Moi je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, qui défend le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main par les rues nous irons. C'est la fête du tabac, tout taïa se déchaîne dans la voie. Quel éclat, c'est une demi de couleurs, les indiens et les planteurs font voler chansons et rires. C'est la fête du tabac, chacun boit au pied des grands papayas. Le tafia, quand la soif est apaisée, la vie semble bariolée et les filles endiablées. Lampions et pétards, bongos et guitares, le Brésil accourt vers l'amour. Habillé de soie, voici Mariana, prête à s'élancer pour danser. Aussi, oh non, Seigneur, attention, vous passez mon jupon aussi. Oh non, Seigneur, dites-moi votre nom. Ah, comme c'est bon de danser le baillon, en fermant les yeux, sous la lune bleue. Ah, comme c'est bon de danser le baillon, dans un rythme fou, joue à joue. C'est la fête du tabac, Mariana dans le mal a fait son choix. Et déjà, sous un arc-en-ciel de fleurs, de lampions et de bonheur, éblouit son cœur chavir. C'est la fête du tabac, et voilà, un garçon prend dans ses bras Mariana, au bord des vagues d'argent, d'un petit rio chantant, il lui a dit doucement: que tu es jolie, Mariana chérie, je voudrais toujours ton amour. Les yeux éperdus, elle a répondu, depuis très longtemps je t'attends. Aussi, oh non, ils ont échangé leur premier doux baiser. Aussi, oh non, et le jour les a fiancés. Ah, comme c'est bon de danser le baillon, en fermant les yeux, sous des lèvres en feu. Comme c'est bon de danser le baillon, en murmurant oui pour la vie. Aussi, oh non, aussi, oh non. Ah, comme c'est bon de danser le baillon, en murmurant oui pour la vie. Et David Martial, Célimène. Depuis deux mois, j'en reviens pas. Je me demande si je ne rêve pas. Tout ça est bien trop beau pour moi. Imaginez une poupée, la plus belle plus amoureuse aussi. C'est tout cela, c'est lui-même. Et plus que ça, c'est lui-même. Et c'est pour moi, c'est lui-même. Quel est tout ça, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Moi je nage en pleine folie. Cette folie là c'est la vie, puisque je l'aime à la folie. Et qu'elle est belle comme la vie. C'est lui-même. On m'avait dit tu verras qui c'est lui-même. On aura plus qu'à c'est lui-même. Elle va les dépenser. C'est lui-même. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait fauché. Ça ne l'a pas empêché de se laisser inviter. Et quand on s'est rencontrés, toute la nuit on a dansé, on ne pouvait plus s'arrêter. Alors la musique a cessé, c'est l'hymen. Parce que nos journées à s'en passer, c'est l'hymen. Elle n'en a jamais assez, c'est l'hymen. On s'en dort tout le temps là, c'est l'hymen. C'est l'hymen. Parce que nos journées à s'en passer, c'est l'hymen. Elle n'en a jamais assez, c'est l'hymen. Après on s'en dort tout le temps là, c'est l'hymen. C'est l'hymen. Parce que nos journées à s'en passer, c'est l'hymen. Elle n'en a jamais assez, c'est l'hymen. Après on s'en dort tout le temps là, c'est l'hymen. Tout à l'heure, on a écouté La Fête du Tabac, c'était chanté par Verlor et D'Avril. J'avais oublié de le signaler. Eh bien, on va continuer, bien sûr, il n'y a pas de raison pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin. Dessous de Violette par Annie Flore. Des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs j'ai toujours aimé, sont celles qu'on achète dessous. Mon bonheur et mes peines, vous êtes mes amours, mes petites sœurs qui n'ont pas une veine, c'est vous que j'aimerais. violette. Et maintenant, c'est la bande à Basile, la chenille. C'est la chenille qui se prépare en voiture les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, crie la chenille et le bon Dieu. Si tu crois que je t'ai pas vu faire ta petite ingénue avec Pierrot dans le tunnel, allez, sois pas jalouse, c'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. Hey, vous les pipelettes, lâchez-nous les baskets avec vos histoires de nana. On va être en retard, voilà le chef de gare qui nous fait signe pour le départ. Le navire est à quai, il y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, là. Dans un petit troquet, d'un port martiniqué, une fille belle à croquer, là. Pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Et le temps un hoquet, lui tendant son ticket, lui dit chérie que tu vas me manquer. Mais que qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est?

soir au matin, les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais la la la, c'est ton rêve. Et dis réveille-toi, tu dors depuis des heures. En vrai, il est bien temps de changer au labeur. Affiche ma biche lorsque tu souligne au crayon noir tes jolis yeux. Biche ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Exprès. On va continuer avec Yves Montand dans les plaines du Far West. 15h passées de 44 minutes. Du Far West, quand bien la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Sur leurs grands chevaux, ils jouent du lasso, yaho, bing-bong, bing-bong, rien n'est pour eux plus beau. Sous le soleil qui leur brûle la peau, yaho, et crânement ils vont sans très venir beau. Qu'ils soient de New York, de Chicago, de ceux

siècle de bonheur. Et si je pouvais tout refaire, je le referais devant eux. Ça fait si longtemps que l'on s'aime, accordez-moi votre pardon. Si pour la première fois on s'aime, je vous dis tout dans ma chanson. 50 ans d'amour entre toi et moi. 50 ans d'amour, tu es toujours là. Comme au premier jour, c'est le même accord. 50 ans d'amour, et je t'aime encore. 50 ans d'amour, 50 ans d'amour. Eh bien voilà, il est 15h57 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Je vais laisser la place à Francky. Il va commencer son émission un peu plus tôt, puisque avec le couvre-feu à 18h, ça pose quelques problèmes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dimanche prochain à partir de 13h30 pour l'accordéon de nos régions et la musette. Bonne semaine et à bientôt. Na na na na. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour. Des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, et nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Job avec Frankie, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Radio Arc-en-Ciel, heureux de vous retrouver, c'est Frankie dans la radio, 16h05, on prend l'antenne un petit peu plus tôt que prévu aujourd'hui, bah ouais, un mode couvre-feu Covid à 18h. Il sera mon invité aux alentours de 16h25, 16h30, c'est notre ami Gérard Gauthier, que beaucoup de personnes connaissent à Orléans, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, sera dans les studios de l'Ardeur Arc-en-Ciel, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de le recevoir. Du son caliente, un petit peu, ça fait du bien, un peu de chaleur, juste avant Hypnotized, voici le collectif. Hey! passe se ressemble. Quand tu me frôles, mon corps étrangle. Damné, damné, ton regard qui me fait des bam bam. Damné, damné, ton sourire ça me fait des bam bam. Chaque nuit qui passe se ressemble. Quand tu me frôles, mon cœur étrangle. Danse avec moi, rien qu'une fois. Juste toi et moi, tout rio. Damné, damné, damné, damné, damné. Tout le Colasson, Radio Arc-en-Ciel 96 FM, vous nous écoutez sur le net aussi, Radio Arc-en-Ciel Orléans, c'est pas compliqué, on est en direct et ça fait plaisir de voir la famille. La météo. Et la météo pour demain, eh bien ça caille encore, hein. Au lever du jour, on va relever 4 petits degrés, on va pas dépasser les 8 degrés. Le ciel demain, bah alors pas de pluie, pas de neige, hein. Du soleil, ouais, un petit peu de soleil avec pas mal de nuages, mais bon, le ciel est plutôt calme et ça fait du bien. En direct à la radio, je vous rappelle, 16h30, il sera dans les studios de la radio, c'est Gérard Gauthier, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et ça fait plaisir de le revoir, vraiment heureux d'être avec vous. Salut quand tu auras le temps, bonne émission à toi. Merci Morgane, tu passes quand tu vas à la radio. Vous pouvez passer à la radio si vous voulez, hein. J'ai le droit d'un invité ou deux. Voilà, 266 Faubourg Bagné, pourquoi pas vous voir, ça me ferait plaisir. Du son que j'adore en ce moment, alors là c'est mon gros coup de cœur et j'ai vraiment kiffé sur cette fille, c'est Hypnotizade. Écoutez, c'est sur Radio Arc-en-Ciel et ça on adore l'après-midi. Pousser un peu le volume là de la batterie de la maison. Ouais, le son des enceintes dans la bagnole, augmenter la puissance. Voici mon coup de cœur du jour, la version spéciale club. Quand les clubs sont ouverts, bien sûr, on est de tout cœur avec les discothèques en France. Radio Arc-en-Ciel, vous êtes nombreux l'après-midi à nous écouter. Voici Hypnotizade 96 FM ou sur le net Radio Arc-en-Ciel Orléans. Et puis il arrive à 16h30, mon invité Gérard Gauthier dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Salut Aurélie. It's taken time to realize, but I'm coming home.

Job avec Frankie l'après-midi.